Rome, chapitre 4. L'après-midi de ce même jour, Pierre songea, puisqu'il avait des loisirs, à commencer tout de suite ses courses dans Rome par une visite qui lui tenait au cœur. Dès l'apparition de son livre, une lettre venue de cette ville l'avait profondément ému et intéressé. Une lettre du vieux comte Orlando Prada, le héros de l'indépendance et de l'unité italienne, qui, sans le connaître, lui écrivait spontanément sous le coup d'une première lecture, et c'était en 4 pages une protestation enflammée, un cri de foi patriotique, juvénile encore chez le vieillard, l'accusant d'avoir oublié l'Italie dans son œuvre, réclamant Rome, la Rome nouvelle, pour l'Italie unifiée et libre enfin. Une correspondance avait suivi, et le prêtre, tout en ne cédant pas sur le rêve qu'il faisait du néo-catholicisme sauveur du monde, s'était mis à aimer de loin l'homme qui lui écrivait ses lettres où brûlait un si grand amour de la patrie et de la liberté. Il l'avait prévenu de son voyage en lui promettant d'aller le voir. Mais maintenant, l'hospitalité acceptée par lui au palais Boccanera le gênait beaucoup, car il lui semblait difficile, après l'accueil de Benedetta, si affectueux, de se rendre ainsi dès le premier jour, sans la prévenir, chez le père de l'homme qu'elle avait fui et contre lequel elle plaidait en divorce. D'autant plus que le vieil Orlando habitait avec son fils le petit palais que celui-ci avait fait bâtir dans le haut de la rue du 20 septembre. Pierre voulut donc, avant tout, confier son scrupule à la contessina elle-même. Il avait appris d'ailleurs, par le vicomte Philibert de la Choue, qu'elle gardait pour le héros une filiale tendresse mêlée d'admiration. En effet, après le déjeuner, au premier mot qu'il lui dit de l'embarras où il était, elle se récria « Mais, monsieur l'abbé, allez, allez vite ! Vous savez que le vieil Orlando est une de nos gloires nationales. Et ne vous étonnez pas de me l'entendre nommer ainsi. Toute l'Italie lui donne ce petit nom tendre, par affection et gratitude. Moi, j'ai grandi dans un monde qui l'exécrait, qui le traitait de Satan. Plus tard seulement, je l'ai connu, je l'ai aimé. Et c'est bien l'homme le plus doux et le plus juste qui soit sur la terre. » Elle s'était mise à sourire, tandis que des larmes discrètes mouillaient ses yeux, sans doute au souvenir de l'année passée là-bas, dans cette maison de violence où elle n'avait eu d'heure paisible que près du vieillard. Et elle ajouta, plus bas, la voix un peu tremblante, « Puisque vous allez le voir, dites-lui bien de ma part que je l'aime toujours et que jamais je n'oublierai sa bonté, quoi qu'il arrive. » Pendant que Pierre se rendait en voiture rue du 20 septembre, il évoqua toute cette histoire héroïque du vieil Orlando qu'il s'était fait conter. On y entrait en pleine épopée, dans la foi, la bravoure et le désintéressement d'un autre âge. Le comte Orlando Prada, d'une noble famille milanaise, fut tout jeune brûlé d'une telle haine contre l'étranger qu'à peine âgé de 15 ans, il faisait partie d'une société secrète, une des ramifications de l'antique carbonarisme. Cette haine de la domination autrichienne venait de loin, des vieilles révoltes contre la servitude, lorsque les conspirateurs se réunissaient dans des cabanes abandonnées au fond des bois. Et elle était exaspérée encore par le rêve séculaire de l'Italie délivrée, rendue à elle-même, redevenant enfin la grande nation souveraine, digne fille des anciens conquérants et maîtres du monde. Ah, cette glorieuse terre d'autrefois, cette Italie démembrée, morcelée, en proie à une foule de petits tyrans, continuellement envahie et possédée par les nations voisines. quel rêve ardent et superbe que de la tirer de ce long opprobre. Battre l'étranger, chasser les despotes, réveiller le peuple de la basse misère de son esclavage, proclamer l'Italie libre, l'Italie une, c'était alors la passion qui soulevait toute la jeunesse d'une flamme inextinguible, qui faisait éclater d'enthousiasme le cœur du jeune Orlando. Il vécut son adolescence dans une indignation sainte, dans la fière impatience de donner son sang à la patrie et de mourir pour elle s'il ne la délivrait pas. Au fond de son vieux logis familial de Milan, Orlando vivait retiré, frémissant sous le joug pendant les jours en conspiration vaine, et il venait de se marier. Il avait 25 ans lorsque la nouvelle arriva de la fuite de Pie IX et de la Révolution à Rome. Brusquement, il lâcha tout, logis, femme, pour courir à Rome, comme appelé par la voix de sa destinée. C'était la première fois qu'il s'en allait ainsi battre les chemins à la conquête de l'indépendance. Et que de fois il devait se remettre en campagne sans se lasser jamais. Il connut alors Mazzini, il se passionna un instant pour cette figure mystique de républicain unitaire. Rêvant lui-même de république universelle, il adopta la devise mazzinienne « Dio e Populo ». Il suivit la procession qui parcourut en grande pompe la Rome de l'émeute. On était à une époque de vastes espoirs, travaillés déjà par le besoin d'une rénovation du catholicisme, dans l'attente d'un Christ humanitaire, chargé de sauver le monde une seconde fois. Mais bientôt un homme, un capitaine des anciens âges, Garibaldi, à l'aurore de sa gloire épique, le prit tout entier, ne fit plus de lui qu'un soldat de la liberté et de l'unité. Orlando l'aima comme un dieu, se battit en héros à son côté, fut de la victoire de Rieti sur les Napolitains, le suivit dans sa retraite d'obstiné patriote lorsqu'il se porta au secours de Venise, forcé d'abandonner Rome à l'armée française du général Oudino qui venait d'y rétablir Pie IX. Et quelle aventure extraordinaire et follement brave! Cette Venise que Manin, un autre grand patriote, un martyr, avait refaite républicaine et qui depuis de longs mois résistait aux Autrichiens. Et ce Garibaldi, avec une poignée d'hommes, qui part pour la délivrer, frète 13 barques de pêche, en laisse 8 entre les mains de l'ennemi, est obligé de revenir au rivage romain, y perd misérablement sa femme Anita, dont il ferme les yeux, avant de retourner en Amérique, où il avait habité déjà en attendant l'heure de l'insurrection. Ah, cette terre d'Italie, toute grondante alors du feu intérieur de son patriotisme, d'où poussaient en chaque ville des hommes de foi et de courage, d'où les émeutes éclataient de partout comme des éruptions, et qui, au milieu des échecs, allaient quand même au triomphe, invinciblement. Orlando revint à Milan, près de sa jeune femme, et il y vécut 2 ans, caché, rongé par l'impatience du glorieux lendemain, si long à naître. Un bonheur l'attendrit dans sa fièvre. Il eut un fils, Luigi, mais l'enfant coûta la vie à sa mère. Ce fut un deuil. Et ne pouvant rester davantage à Milan, où la police le surveillait, le traquait, finissant par trop souffrir de l'occupation étrangère, Orlando se décida à réaliser les débris de sa fortune, puis se retira à Turin, près d'une tante de sa femme qui prit soin de l'enfant. Le comte de Cavour, en grand politique, travaillait dès lors à l'indépendance, préparait le Piémont au rôle décisif qu'il devait jouer. C'était l'époque où le roi Victor Emmanuel accueillait avec une bonhomie flatteuse les réfugiés qui lui arrivaient de toute l'Italie, même ceux qu'il savait républicains, compromis et en fuite à la suite d'insurrections populaires. Dans cette rude et rusée maison de Savoie, le rêve de réaliser l'unité italienne, au profit de la monarchie piémontaise, venait de loin mûrissait depuis des années, et Orlando n'ignorait point sous quel maître il s'enrôlait. Mais déjà, en lui, le républicain passait après le patriote. Il ne croyait plus à une Italie faite au nom de la République, mise sous la protection d'un pape libéral, comme Mazzini l'avait imaginé un moment. N'était-ce pas là une chimère qui dévorerait des générations si l'on s'entêtait à la poursuivre? Lui refusait de mourir sans avoir couché à Rome en conquérant. Quitte à y laisser la liberté, il voulait la patrie reconstruite et debout, vivante enfin sous le soleil. Aussi, avec quelle fièvre heureuse s'engagea-t-il lors de la guerre de 1859, et comme son cœur battait à lui briser la poitrine après Magenta, quand il entra dans Milan avec l'armée française, dans ce Milan que 8 années plus tôt il avait quitté en proscrit l'âme désespérée. À la suite de Solferino, le traité de Villafranca fut une déception amère. La Vénétie échappait, Venise restait captive. Mais c'était pourtant le Milanais reconquis. Et c'était aussi la Toscane, les duchés de Parme et de Modène qui votaient leur annexion. Enfin, le noyau de l'astre se formait. La patrie se reconstituait autour du Piémont victorieux. Puis, l'année suivante, Orlando rentra dans l'épopée. Garibaldi était revenu de ses 2 séjours en Amérique, entouré de toute une légende des exploits de paladins dans les pampas de l'Uruguay, une traversée extraordinaire de Canton à Lima. Et il avait reparu pour se battre en 1859, devançant l'armée française, culbutant un maréchal autrichien, entrant dans les villes comme Bergame, Brescia. Tout d'un coup, on apprit qu'il était débarqué avec 1000 hommes seulement, à Marsala. Les 1000 de Marsala, la poignée illustre de braves. Au premier rang, Orlando se battit. Palerme résista 3 jours, fut emporté. Devenu le lieutenant favori du dictateur, il l'aida à organiser le gouvernement, passa ensuite avec lui le Détroit, fut à sa droite de l'entrée triomphale dans Naples, d'où le roi s'était enfui. C'était une folie d'audace et de vaillance, l'explosion de l'inévitable, toutes sortes d'histoires surhumaines qui circulaient. Garibaldi, invulnérable, mieux protégé par sa chemise rouge que par la plus épaisse des armures. Garibaldi mettant en déroute les armées adverses comme un archange, rien qu'en brandissant sa flamboyante épée. Les Piémontais, de leur côté, qui venaient de battre le général Lamoricière à Castelfidardo, avait envahi les États romains. Et Orlando était là, lorsque le dictateur, se démettant du pouvoir, signa le décret d'annexion des 2 Siciles à la couronne d'Italie. De même qu'il fit également partie, au cri violent de « Rome ou la mort », de la tentative désespérée qui finit tragiquement à Aspromonte. La petite armée dispersée par les troupes italiennes, Garibaldi blessé, fait prisonnier, renvoyé dans la solitude de son île de Caprera, où il ne fut plus qu'un laboureur. Les 6 années d'attente qui suivirent, Orlando les vécut à Turin, même lorsque Florence fut choisie comme nouvelle capitale. Le Sénat avait acclamé Victor Emmanuel roi d'Italie. Et, en effet, l'Italie était faite. Il n'y manquait que Rome et Venise. Désormais, les grands combats semblaient finis, l'ère de l'épopée se trouvait close. Venise allait être donnée par la défaite. Orlando était à la bataille malheureuse de Custoza, où il reçut 2 blessures, le cœur plus mortellement frappé par la douleur qu'il éprouva à croire un instant l'Autriche triomphante. Mais, au même moment, celle-ci, battue à Sadova, perdait la Vénétie, et 5 mois plus tard, il voulut être à Venise, dans la joie du triomphe, lorsque Victor Emmanuel y fit son entrée, aux acclamations frénétiques du peuple. Rome seule restait à prendre. une fièvre d'impatience poussait vers elle l'Italie entière, qu'arrêtait le serment fait par la France amie de maintenir le pape. Une troisième fois, Garibaldi rêva de renouveler les prouesses légendaires, se jeta sur Rome, indépendant de tout lien, en capitaine d'aventure que le patriotisme illumine. Et une troisième fois, Orlando fut de cette folie d'héroïsme qui devait se briser à Nantana contre les zouaves pontificaux, aidés d'un petit corps français. Blessé de nouveau, il rentra à Turin, presque mourant. L'âme frémissante, il fallait se résigner. La situation restait insoluble. Tout d'un coup, éclata le coup de tonnerre de Sedan, l'écrasement de la France. Et le chemin de Rome devenait libre, et Orlando, rentré dans l'armée régulière, faisait partie des troupes qui prirent position dans la campagne romaine pour assurer la sécurité du Saint-Siège, selon les termes de la lettre que Victor Emmanuel écrivit à Pie IX. Il n'y eut d'ailleurs qu'un simulacre de combat. Les zouaves pontificaux du général Kanzler durent se replier. Orlando fut un des premiers qui pénétra dans la ville par la brèche de la porte Pia. Ah, ce 20 septembre, ce jour où il éprouva le plus grand bonheur de sa vie, un jour de délire, un jour de complet triomphe, où se réalisait le rêve de tant d'années de lutte terrible, pour lequel il avait donné son repos, sa fortune, son intelligence et sa chair. Ensuite, ce furent encore plus de 10 années heureuses, dans Rome conquise, dans Rome adorée, ménagée et flattée, comme une femme en laquelle on a mis tout son espoir. Il attendait d'elle une si grande vigueur nationale, une si merveilleuse résurrection de force et de gloire pour la jeune nation. L'ancien républicain, l'ancien soldat insurrectionnel qu'il était, avait dû se rallier et accepter un siège de sénateur. Garibaldi lui-même, son dieu, n'allait-il pas rendre visite au roi et siéger au Parlement? Mazzini, seul dans son intransigeance, n'avait point voulu d'une Italie indépendante et une qui ne fût pas républicaine. Puis, une autre raison avait décidé Orlando, l'avenir de son fils Luigi, qui venait d'avoir 18 ans, au lendemain de l'entrée dans Rome. Si lui s'accommodait des miettes de sa fortune d'autrefois mangée au service de la patrie, il rêvait de vastes destins pour l'enfant qu'il adorait. Il sentait bien que l'âge héroïque était achevé. Il voulait faire de lui un grand politique, un grand administrateur, un homme utile à la nation souveraine de demain. Et c'était pourquoi il n'avait pas repoussé la faveur royale, la récompense de son long dévouement, voulant être là, aider Luigi, le surveiller, le diriger. Lui-même était-il donc si vieux, si fini qu'il ne put se rendre utile dans l'organisation, comme il croyait l'avoir été dans la conquête? Il avait placé le jeune homme au ministère des Finances, frappé de la vive intelligence qu'il montrait pour les questions d'affaires, devinant peut-être aussi, par un sourd instinct, que la bataille allait continuer maintenant sur le terrain financier et économique. Et de nouveau, il vécut dans le rêve, croyant toujours avec enthousiasme à l'avenir splendide, débordant d'une espérance illimitée, regardant Rome doubler de population, s'agrandir d'une folle végétation de quartier neuf, redevenir à ses yeux d'amant ravi la reine du monde. Brusquement, ce fut la foudre. Un matin, en descendant l'escalier, Orlando fut frappé de paralysie, les deux jambes tout à coup mortes, d'une pesanteur de plomb. On avait dû le remonter. Jamais plus il ne remit les pieds sur le pavé de la rue. Il venait d'avoir 56 ans. Et depuis 14 ans, il n'avait pas quitté son fauteuil, cloué là, dans une immobilité de pierre, lui qui autrefois avait si rudement encouru les champs de bataille de l'Italie. C'était une grande pitié, l'écroulement d'un héros. Et le pis, alors, fut que le vieux soldat, de cette chambre où il se trouvait prisonnier, assista au lent ébranlement de tous ses espoirs, envahi d'une mélancolie affreuse, dans la peur inavouée de l'avenir. Il voyait clair enfin, depuis que la griserie de l'action ne l'aveuglait plus, et qu'il passait ses longues journées vides à réfléchir. Cette Italie qu'il avait voulu si puissante, si triomphante en son unité, agissait follement, courait à la ruine, à la banqueroute peut-être. Cette Rome, qui avait toujours été pour lui la capitale nécessaire, la ville de gloire sans pareille qu'il fallait au peuple roi de demain, semblait se refuser à ce rôle d'une grande capitale moderne, lourde comme une morte, pesant du poids des siècles sur la poitrine de la jeune nation. Et il y avait encore son fils, son Luigi, qui le désolait, rebelle à toute direction, devenu un des enfants décorateurs de la conquête, se ruant à la curée chaude de cette Italie, de cette Rome, que son père semblait avoir uniquement voulu pour que lui-même les pillât et s'en engraissât. Vainement, il s'était opposé à ce qu'il quittât le ministère, à ce qu'il se jetât dans l'agio effréné sur les terrains et les immeubles, que déterminait le coup de démence des quartiers neufs. Il l'adorait quand même. Il était réduit au silence, surtout maintenant que les opérations financières les plus hasardeuses lui avaient réussi, comme cette transformation de la Villa Montefiori en une véritable ville, affaire colossale où les plus riches s'étaient ruinés, dont lui s'était retiré avec des millions. Et Orlando, désespéré et muet, dans le petit palais que Luigi Prada avait fait bâtir, rue du 20 septembre, s'était entêté à n'y occuper qu'une chambre étroite, où il achevait ses jours cloîtrés avec un seul serviteur, n'acceptant rien autre de son fils que cette hospitalité, vivant pauvrement de son humble rente. Comme il arrivait à cette rue neuve du 20 septembre, ouverte sur le flanc et sur le sommet du Viminal, Pierre fut frappé de la somptuosité lourde des nouveaux palais où s'accusait le goût héréditaire de l'énorme. Dans le chaud après-midi de vieil or pourpré, cette rue large et triomphale, ses deux files de façades interminables et blanches, disait le fier espoir d'avenir de la nouvelle Rome, le désir de souveraineté qui avait fait pousser du sol ces bâtisses colossales. Mais surtout, il demeura béant devant le ministère des Finances, un amas gigantesque, un cube cyclopéen où les colonnes, les balcons, les frontons, les sculptures s'entassent. Tout un monde démesuré, enfanté en un jour d'orgueil par la folie de la pierre. Et c'était là, en face, un peu plus haut, avant d'arriver à la Villa Bonaparte, que se trouvait le petit palais du comte Prada. Lorsqu'il eut payé son cocher, Pierre resta embarrassé un instant. La porte étant ouverte, il avait pénétré dans le vestibule, mais il n'y apercevait personne, ni concierge, ni serviteur. Il dut se décider à monter au premier étage. L'escalier, monumental, à la rampe de marbre, reproduisait en petit les dimensions exagérées de l'escalier d'honneur du palais Boccanera. Et c'était la même nudité froide, tempérée par un tapis et des portières rouges, qui tranchaient violemment sur le stuc blanc des murs. Au premier étage se trouvait l'appartement de réception, haut de 5 mètres, dont il aperçut 2 salons en enfilade, par une porte entrebâillée. Des salons d'une richesse toute moderne, avec une profusion de tentures, de velours, de soie, de meubles dorés, de hautes glaces, reflétant l'encombrement fastueux des consoles et des tables. Et toujours personne, pas une âme dans ce logis comme abandonné, où la femme ne se sentait pas. Il allait redescendre pour sonner quand un valet se présenta enfin. « Monsieur le comte Prada, je vous prie. » Le valet considéra en silence ce petit prêtre et daigna demander « Le père ou le fils ?»« Le père, monsieur le comte Orlando Prada. » « Bon, montez au troisième étage. » Puis il voulut bien ajouter une explication. « La petite porte à droite sur le palier. Frappez fort pour qu'on vous ouvre. » En effet, Pierre dut frapper deux fois. Ce fut un petit vieux très sec, d'allure militaire, un ancien soldat du comte resté à son service, qui vint lui ouvrir, en disant, pour s'excuser de ne pas avoir ouvert plus vite, qu'il était en train d'arranger les jambes de son maître. Tout de suite, il annonça le visiteur. Et celui-ci, après une obscure antichambre, très étroite, resta saisi de la pièce dans laquelle il entrait. Une pièce relativement petite, toute nue, toute blanche, tapissée simplement d'un papier tendre à fleurettes bleues. Derrière un paravent, il n'y avait qu'un lit de fer, la couche du soldat et aucun autre meuble, rien que le fauteuil où l'infirme passait ses jours. Une table de bois noir près de lui, couverte de journaux et de livres. Deux antiques chaises de paille qui servaient à faire asseoir les rares visiteurs. Contre un des murs, quelques planches tenaient lieu de bibliothèque. Mais la fenêtre, sans rideaux, large et claire, ouvrait sur le plus admirable panorama de Rome qu'on pût voir. Puis la chambre disparut. Pierre ne vit plus que le vieil Orlando, dans une soudaine et profonde émotion. C'était un vieux lion blanchi, superbe encore, très fort, très grand. Une forêt de cheveux blancs sur une tête puissante, à la bouche épaisse, au nez gros et écrasé, aux larges yeux noirs étincelants. Une longue barbe blanche, d'une vigueur de jeunesse, frisée comme celle d'un dieu. Dans ce mufle léonin, on devinait les terribles passions qui avaient dû gronder. Mais toutes, les charnelles, les intellectuels, avaient fait éruption en patriotisme, en bravoure folle et en désordonné amour de l'indépendance. Et le vieil héros foudroyé, le buste toujours droit et haut, était cloué là, sur son fauteuil de paille, les jambes mortes, enseveli, disparu dans une couverture noire. Seuls les bras, les mains vivaient. Et seule la face éclatait de force et d'intelligence. Orlando s'était tourné vers son serviteur pour lui dire doucement « Baptista, tu peux t'en aller. Reviens dans 2 heures. » Puis, regardant Pierre bien en face, il s'écria de sa voix restée sonore malgré ses 70 ans. « Enfin, c'est donc vous, mon cher monsieur Froment. Et nous allons pouvoir causer tout à notre aise. Tenez, prenez cette chaise, asseyez-vous devant moi. » Mais il avait remarqué le regard surpris que le prêtre jetait sur la nudité de la chambre. Il ajouta gaiement « Vous me pardonnerez de vous recevoir dans ma cellule. Oui, je vis ici en moine, en vieux soldat retraité, désormais à l'écart de la vie. Mon fils me tourmente encore pour que je prenne une des belles chambres d'en bas. À quoi bon? Je n'ai aucun besoin. Je n'aime guère les lits de plumes, car mes vieux os sont accoutumés à la terre dure. Et puis, j'ai là une si belle vue, toute Rome qui se donne à moi, maintenant que je ne peux plus aller à elle. » D'un geste vers la fenêtre, il avait caché l'embarras, la légère rougeur dont il était pris, chaque fois qu'il excusait son fils de la sorte, sans vouloir dire la vraie raison, le scrupule de probité qui le faisait s'entêter dans son installation de pauvre. « Mais c'est très bien! Mais c'est superbe !» déclara Pierre pour lui faire plaisir. « Je suis si heureux de vous voir enfin, moi aussi !» si heureux de serrer vos mains vaillantes qui ont accompli tant de grandes choses. » D'un nouveau geste, Orlando sembla vouloir écarter le passé. « Ah, bah, tout cela, c'est fini, enterré. Parlons de vous, mon cher monsieur Froment, de vous si jeune qui êtes le présent, et parlons vite de votre livre qui est l'avenir. Ah, votre livre, votre Rome nouvelle. Si vous saviez dans quel état de colère il m'a jeté d'abord. » Il riait maintenant. Il prit le volume qui se trouvait justement sur la table, près de lui, et tapant sur la couverture de sa large main de colosse, « Non, vous ne vous imaginez pas avec quel sursaut de protestation je l'ai lu. Le pape, encore le pape, et toujours le pape. La Rome nouvelle pour le pape et par le pape. La Rome triomphante de demain, grâce au pape, donnée au pape, confondant sa gloire dans la gloire du pape. Eh bien, et nous, et l'Italie, et tous les millions que nous avons dépensés pour faire de Rome une grande capitale. Ah, qu'il faut être un Français, et un Français de Paris, pour écrire le livre que voilà. Mais, cher monsieur, Rome, si vous l'ignorez, est devenue la capitale du royaume d'Italie. Et il y a ici le roi Humbert, et il a les Italiens, tout un peuple qui compte, je vous assure, et qui entend garder pour lui Rome, la glorieuse, la ressuscitée. » Cette fougue juvénile fit rire Pierre à son tour. « Oui, oui, vous m'avez écrit cela. Seulement, qu'importe à mon point de vue, l'Italie n'est qu'une nation, une partie de l'humanité. » Et je veux l'accord, la fraternité de toutes les nations, l'humanité réconciliée, croyante et heureuse. Qu'importe la forme du gouvernement, une monarchie, une république, qu'importe l'idée de la patrie unie et indépendante, s'il n'y a plus qu'un peuple libre, vivant de justice et de vérité. » De ce cri enthousiaste, Orlando n'avait retenu qu'un mot. Il reprit plus bas d'un air songeur. La République, je l'ai voulue ardemment dans ma jeunesse. Je me suis battu pour elle. J'ai conspiré avec Mazzini, un saint, un croyant, qui s'est brisé contre l'absolu. Et puis quoi? Il a bien fallu accepter les nécessités pratiques. Les plus intransigeants se sont ralliés. Aujourd'hui, la République nous sauverait-elle? En tout cas, elle ne différerait guère de notre monarchie parlementaire. Voyez ce qui se passe en France. Alors, pourquoi risquer une révolution qui mettrait le pouvoir aux mains des révolutionnaires extrêmes, des anarchistes? Nous craignons tous cela. C'est ce qui explique notre résignation. Je sais bien que quelques-uns voient le salut dans une fédération républicaine. Tous les anciens petits États reconstitués en autant de républiques que Rome présiderait. Le Vatican aurait peut-être gros à gagner dans l'aventure. On ne peut pas dire qu'il y travaille. Il en envisage simplement l'éventualité sans déplaisir. Mais c'est un rêve, un rêve. Il retrouva sa gaieté, même une pointe tendre d'ironie. « Vous doutez-vous de ce qui m'a séduit dans votre livre? Car, malgré mes protestations, je vous ai lu deux fois. C'est que Mazzini aurait pu presque l'écrire. Oui, j'y ai retrouvé toute ma jeunesse, tout l'espoir fou de mes 25 ans, la religion du Christ, la pacification du monde par l'Évangile. Saviez-vous que Mazzini a voulu, longtemps avant vous, la rénovation du catholicisme? Il en écartait le dogme et la discipline, il ne retenait que la morale. Et c'était la Rome nouvelle, la Rome du peuple, qu'il donnait pour siège à l'Église universelle, où toutes les églises du passé allaient se fondre. Rome, l'éternelle cité, la prédestinée, la mère et la reine, dont la domination renaissait pour le bonheur définitif des hommes. N'est-ce pas curieux que le néo-catholicisme actuel, le vague réveil spiritualiste, le mouvement de communauté, de charité chrétienne dont on mène tant de bruit, ne soit qu'un retour des idées mystiques et humanitaires de 1848. Hélas, j'ai vu tout cela, j'ai cru et j'ai combattu. Et je sais à quel beau gâchis nous ont conduits ces envolées dans le bleu du mystère. Que voulez-vous? Je n'ai plus confiance. Et comme Pierre allait se passionner, lui aussi, et répondre, il l'arrêta. Non, laissez-moi finir. Je veux seulement que vous soyez bien convaincu de la nécessité absolue où nous étions de prendre Rome, d'en faire la capitale de l'Italie. Sans elle, l'Italie nouvelle ne pouvait pas être. Elle était la gloire antique. Elle détenait dans sa poussière la souveraine puissance que nous voulions rétablir. Elle donnait à qui la possédait la force, la beauté, l'éternité. Au centre du pays, elle en était le cœur. Elle devait en devenir la vie, dès qu'on l'aurait réveillée du long sommeil de ses ruines. Ah, que nous l'avons désirée, au milieu des victoires et des défaites, pendant des années d'affreuse impatience. Moi, je l'ai aimée et voulue, plus qu'aucune femme, le sang brûlé, désespéré de vieillir. Et quand nous l'avons possédée, notre folie a été de la vouloir fastueuse, immense, dominatrice, à l'égal des autres grandes capitales de l'Europe, Berlin, Paris, Londres. Regardez-la, elle est encore mon seul amour, ma seule consolation, aujourd'hui que je suis mort, n'ayant plus de vivant que les yeux. » Du même geste, il avait de nouveau indiqué la fenêtre. Rome, sous le ciel intense, s'étendait à l'infini, tout empourpré et doré par le soleil oblique. Très lointain, les arbres du Janicule fermaient l'horizon de leur ceinture verte d'un vert limpide d'émeraude, tandis que le dôme de Saint-Pierre, plus à gauche, avait la pâleur bleue d'un saphir, éteint dans la trop vive lumière. Puis, c'était la ville basse, la vieille cité rousse, comme cuite par des siècles d'été brûlants, si douce à l'œil, si belle de la vie profonde du passé. Un chaos sans bornes de toitures, de pignons, de tours, de campaniles, de coupoles. Mais au premier plan, sous la fenêtre, il y avait la jeune ville, celle qu'on bâtissait depuis 25 années. Des cubes de maçonnerie entassés, crayeuses encore, que ni le soleil ni l'histoire n'avaient drapé de leur pourpre. Surtout, les toitures du colossal ministère des Finances étalaient des steppes désastreuses, infinies et blafardes, d'une cruelle laideur. Et c'était sur cette désolation des constructions nouvelles que les regards du vieux soldat de la conquête avaient fini par se fixer. Il y eut un silence. Pierre venait de sentir passer le petit froid de la tristesse cachée, inavouée, et il attendait courtoisement. « Je vous demande pardon de vous avoir coupé la parole, » reprit Orlando. « Mais il me semble que nous ne pouvons causer utilement de votre livre tant que vous n'aurez pas vu et étudié Rome de près. Vous n'êtes ici que depuis hier, n'est-ce pas ? Courez la ville, regardez, questionnez, et je crois que beaucoup de vos idées changeront. J'attends surtout votre impression sur le Vatican, puisque vous êtes venu uniquement pour voir le pape et défendre votre œuvre contre l'index. Pourquoi discuterions-nous aujourd'hui si les faits eux-mêmes doivent vous amener à d'autres idées ? Mieux que je n'y réussirai par les plus beaux discours du monde. C'est entendu, vous reviendrez, et nous saurons de quoi nous parlerons. Nous nous entendrons peut-être. Mais certainement, dit Pierre, je n'étais venu aujourd'hui que pour vous témoigner ma gratitude d'avoir bien voulu lire mon livre avec intérêt, et que pour saluer en vous une des gloires de l'Italie. Orlando n'écoutait pas. Absorbé, les yeux toujours fixés sur Rome. Il ne voulait plus qu'on en parlât. Et malgré lui, tout à son inquiétude secrète, il continua d'une voix basse, comme dans une involontaire confession. « Sans doute, nous sommes allés beaucoup trop vite. Il y a eu des dépenses d'une utilité indispensable, les routes, les ports, les chemins de fer. Et il a bien fallu armer le pays aussi. Je n'ai pas désapprouvé les grosses charges militaires. Mais ensuite, cet écrasant budget de la guerre, d'une guerre qui n'est pas venue, dont l'attente nous a ruinés. Oh, j'ai toujours été l'ami de la France. Je ne lui reproche que de ne n'avoir pas compris la situation qui nous était faite. L'excuse vitale que nous avions en nous alliant avec l'Allemagne. Et le milliard englouti à Rome. C'est ici que la folie a soufflé. Nous avons péché par enthousiasme et par orgueil. Dans mes songeries de vieux bonhomme solitaire, un des premiers, j'ai senti le gouffre, l'effroyable crise financière, le déficit où allait sombrer la nation. Je l'ai crié à mon fils, à tous ceux qui m'approchaient. Mais à quoi bon? Ils ne m'écoutaient pas. Ils étaient fous, achetant, revendant, bâtissant dans l'agio et dans la chimère. Vous verrez, vous verrez. Le pis est que nous n'avons pas, comme chez vous, dans la population dense des campagnes, une réserve d'argent et d'hommes, une épargne toujours prête à combler les trous creusés par les catastrophes. Chez nous, l'ascension du peuple, nulle encore, ne régénère pas le sang social par un apport continu d'hommes nouveaux. Et il est pauvre, il n'a pas de bas de laine à vider. La misère est effroyable, il faut bien le dire. Ceux qui ont de l'argent préfèrent le manger petitement dans les villes que de le risquer dans des entreprises agricoles ou industrielles. Les usines sont lentes à se bâtir. La terre en est encore presque partout à la culture barbare d'il y a 2000 ans. Et voilà Rome. Rome qui n'a pas fait l'Italie, que l'Italie a faite sa capitale par son ardent et unique désir. Rome qui n'est toujours que le splendide décor de la gloire des siècles. Rome qui ne nous a donné encore que l'éclat de ce décor, avec sa population papale abâtardie, toute de fierté et de fainéantise. Je l'ai trop aimé, je l'aime trop, pour regretter d'y être. Mais grand Dieu, quelle démence elle a mise en nous! Que de millions elle nous a coûtés! De quel poids triomphal elle nous écrase! Voyez, voyez. Et c'étaient les toitures blafardes du ministère des Finances, l'immense steppe désolée, qu'il montrait. Comme s'il y eût vu la moisson de gloire coupée en herbe, l'affreuse nudité de la banqueroute menaçante. Ses yeux se voilaient de larmes contenues. Il était superbe d'espoir ébranlé, d'inquiétude douloureuse, avec sa tête énorme de vieux lion blanchi, désormais impuissant, cloué dans cette chambre si nue et si claire, d'une pauvreté si hautaine qui semblait être une protestation contre la richesse monumentale de tout le quartier. C'était donc là ce qu'on avait fait de la conquête. Et il était foudroyé maintenant, incapable de donner de nouveau son sang et son âme. « Oui, oui !» lança-t-il dans un dernier cri. « On donnait tout, son cœur et sa tête, son existence entière, tant qu'il s'est agi de faire la patrie une et indépendante. Mais aujourd'hui que la patrie est faite, allez donc vous enthousiasmer pour réorganiser ses finances. Ce n'est pas un idéal, cela. Et c'est pourquoi, pendant que les vieux meurent, pas un homme nouveau ne se lève parmi les jeunes. » Brusquement, il s'arrêta, un peu gêné, souriant de sa fièvre. « Excusez-moi, me revoilà reparti. Je suis incorrigible. » « C'est entendu. Laissons ce sujet et vous reviendrez. Nous causerons quand vous aurez tout vu. » Dès lors, il se montra charmant. et Pierre comprit son regret d'avoir trop parlé à la bonhomie séductrice, à l'affection envahissante dont il l'enveloppa. Il le suppliait de rester longtemps à Rome, de ne pas la juger trop vite, d'être convaincu que l'Italie, au fond, aimait toujours la France. Et il voulait aussi qu'on aimât l'Italie. Il éprouvait une anxiété véritable à l'idée qu'on ne l'aimait peut-être plus. Ainsi que la veille, au palais Boccanera, le prêtre eut conscience là d'une sorte de pression exercée sur lui pour le forcer à l'admiration et à la tendresse. L'Italie, comme une femme qui ne se sentait pas en beauté, doutant d'elle et susceptible, s'inquiétait de l'opinion des visiteurs, s'efforçait de garder malgré tout leur amour. Mais lorsque Orlando sut que Pierre était descendu au palais Boccanera, il se passionna de nouveau, et il eut un geste de contrariété vive en entendant frapper à la porte juste à ce même moment. Tout en criant d'entrer, il le retint. « Non, ne partez pas, je veux savoir !» Une dame entra, qui avait dépassé la quarantaine, petite et ronde, jolie encore, avec ses traits menus, ses gentils sourires noyés dans la graisse. Elle était blonde, avait les yeux verts, d'une limpidité d'eau de source. Assez bien habillée, en toilette réséda, élégante et sobre, elle paraissait d'air agréable, modeste et avisée. « Ah, c'est toi, Stéphane !» dit le vieillard qui se laissa embrasser. « Oui, mon oncle, je passais, et j'ai voulu monter pour prendre de vos nouvelles. » C'était Madame Sacco, une nièce d'Orlando, née à Naples, d'une mère venue de Milan, et mariée au banquier napolitain Pagani, tombé plus tard en déconfiture. Après la ruine, Stéphane avait épousé Sacco, lorsqu'il n'était encore que petit employé des postes. Sacco, dès lors, voulant relever la maison de son beau-père, s'était lancé dans des affaires terribles, compliquées et louches, au bout desquelles il avait eu la chance imprévue de se faire nommer député. Depuis qu'il était venu à Rome, pour la conquérir à son tour, sa femme avait dû l'aider dans son ambition dévorante, s'habiller, ouvrir un salon. Et si elle s'y montrait encore un peu gauche, elle lui rendait pourtant des services qui n'étaient pas à dédaigner. Très économe, très prudente, menant la maison en bonne ménagère, toutes les excellentes et solides qualités de l'Italie du Nord, héritées de sa mère, et qui faisait merveille à côté de la turbulence et des abandons de son mari, chez lequel l'Italie du Midi flambait avec sa rage d'appétit continuel. Le vieil Orlando, dans son mépris pour Sacco, avait gardé quelque affection à sa nièce, chez qui il retrouvait son sang. Il la remercia, et tout de suite, il parla de la nouvelle donnée par les journaux du matin, soupçonnant bien que le dépit avait envoyé sa femme pour avoir son opinion. « Eh bien, et ce ministère ?» Elle s'était assise. Elle ne se pressa pas, regarda les journaux qui traînaient sur la table. « Oh, rien n'est fait encore. La presse a parlé trop vite. Sacco a été appelé par le président du conseil, et ils ont causé. Seulement, il hésite beaucoup. » Il craint de n'avoir aucune aptitude pour l'agriculture. Ah, si c'était les finances! Et puis, il n'aurait pris aucune résolution sans vous consulter. Qu'en pensez-vous, mon oncle? D'un geste violent, il l'interrompit. Non, non, je ne me mêle pas de ça! C'était, pour lui, une abomination. Le commencement de la fin, ce rapide succès de Sacco. Un aventurier, un brasseur d'affaires qui avait toujours pêché en eau trouble. Son fils Luigi, certes, le désolait. Mais quand on pensait que Luigi, avec son intelligence vaste, ses qualités si belles encore, n'était rien, tandis que ce Sacco, ce brouillon, ce jouisseur, sans cesse affamé, après s'être glissé à la chambre, se trouvait en passe de décrocher un portefeuille. petit homme brun et sec, avec de gros yeux ronds, les pommettes saillantes, le menton proéminent, toujours dansant et criant, d'une éloquence intarissable, dont toute la force était dans la voix. Une voix admirable de puissance et de caresse. Et insinuant et profitant de tout, séducteur et dominateur. Tu entends, Stéphana. Dis à ton mari que le seul conseil que j'ai à lui donner est de rentrer petit employé au poste, où il rendra peut-être des services. Ce qui outrait et désespérait le vieux soldat, c'était un tel homme, un sacco, tombé en bandit à Rome, dans cette Rome dont la conquête avait coûté tant de nobles efforts. Et à son tour, Sacco la conquérait, l'enlevait à ceux qu'il avait si durement gagné, la possédait, mais pour s'y délecter, pour y assouvir son amour effréné du pouvoir. Sous des dehors très câlins, il était résolu à dévorer tout. Après la victoire, lorsque le butin se trouvait là, chaud encore, les loups étaient venus. Le nord avait fait l'Italie, le midi montait à la curée, se jetait sur elle, vivait d'elle comme d'une proie. Et il y avait surtout cela, au fond de la colère du héros foudroyé, l'antagonisme de plus en plus marqué entre le nord et le midi. Le nord, travailleur et économe, politique avisé, savant, tout aux grandes idées modernes. Le midi ignorant et paresseux, tout à la joie immédiate de vivre, dans un désordre enfantin des actes, dans un éclat vide des belles paroles sonores. Stéphana souriait placidement en regardant Pierre qui s'était retiré près de la fenêtre. « Oh, mon oncle, vous dites cela, mais vous nous aimez bien tout de même, et vous m'avez donné à moi plus d'un bon conseil, ce dont je vous remercie. » C'est comme pour l'histoire d'Attilio. » Elle parlait de son fils, le lieutenant, et de son aventure amoureuse avec Célia, la petite princesse Buongiovanni, dont tous les salons noirs et blancs s'entretenaient. « Attilio, c'est autre chose !» s'écria Orlando. « Ainsi que toi, il est de mon sang, et c'est merveilleux comme je me retrouve dans ce gaillard-là. Oui, il est tout moi, quand j'avais son âge. Et beau, et brave, et enthousiaste. Tu vois que je me fais des compliments. Mais, en vérité, Attilio me tient chaud au cœur, car il est l'avenir, il me rend l'espérance. Eh bien, son histoire... Ah, mon oncle, son histoire nous donne des ennuis. Je vous en ai déjà parlé, et vous avez haussé les épaules, en disant que dans ces questions-là, les parents n'avaient qu'à laisser les amoureux régler leurs affaires eux-mêmes. Nous ne voulons pourtant pas qu'on dise partout que nous poussons notre fils à enlever la petite princesse pour qu'il épouse ensuite son argent et son titre. » Orlando s'égaya franchement. « Voilà un fier scrupule. C'est ton mari qui t'a dit de me l'exprimer ?»« Oui, je sais qu'il affecte de montrer de la délicatesse en cette occasion. » « Moi, je te le répète, je me crois aussi honnête que lui. Et j'aurais un fils tel que le tien, si droit, si bon, si naïvement amoureux, que je le laisserais épouser qui il voudrait et comme il voudrait. Les Buongiovanni, mon Dieu, les Buongiovanni, avec toute leur noblesse et l'argent qu'ils ont encore, seront très honorés d'avoir pour gendre un beau garçon au grand cœur. » De nouveau, Stéphana eut son air de satisfaction placide. Elle ne venait sûrement que pour être approuvée. « C'est bien, mon oncle, je redirai cela à mon mari, et il en tiendra grand compte, car si vous êtes sévère pour lui, il a pour vous une véritable vénération. Quant à ce ministère, rien ne se fera peut-être. Sacco se décidera selon les circonstances. » Elle s'était levée. Elle prit congé en embrassant le vieillard, comme à son arrivée, très tendrement. Et elle le complimenta sur sa belle mine, le trouva très beau, le fit sourire en lui nommant une dame qui était encore folle de lui. Puis, après avoir répondu d'une légère révérence au salut muet du jeune prêtre, elle s'en alla de son allure modeste et sage. Un instant, Orlando resta silencieux, les yeux vers la porte, repris d'une tristesse, songeant sans doute à ce présent louche et pénible, si différent du glorieux passé. Et brusquement, il revint à Pierre, qui attendait toujours.